Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 27 février au 4 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Aujourd'hui, à l'émission, on a quand même du plaisir à avoir. Hein. Justine Renaud va être avec nous pour sa chronique Les Tartines de Justine plus tard dans l'émission. Et elle va, par le fait même, co-animer un petit peu l'émission avec moi parce que Jasmine Raymond-Dréville n'est pas présente aujourd'hui. Non, la pauvre est malade. Une otite. Ouais, une petite otite. C'est pas le fun, ça. Donc, autrement, à l'émission, plus, Justine, c'est bon, c'est super, c'est un très, très bon morceau de l'émission, mais on va aussi avoir les instants classiques d'Assemblage requis, la section ailleurs dans les palmarès, on va avoir des nouvelles entrées, c'est-à-dire Audio Note, Winter Mids, Simon Kingsbury, Set the Well et Topanga, mais on va débuter en 20e place francophone tout de suite. Voici la formation Les Revenants et Beaux Danseurs au 89.1 FM, c'est fou. This forest grows façonne ton avenir. Tu recules, t'en as assez pris. Des pétards pleins les mains, avec l'expérience de l'artifice de ta vie. Toutes ces heures pour un instant, mais juste une flamme pour voir toutes les couleurs fondre ensemble et disparaître. Technique, tu fermes les yeux et cliques. T'as rien à faire, faut juste donner avant de tout faire péter. Prendre une chance, une autre pour la loge. Numéro 19, nouvelle entrée. Lean back into the wind, it's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find. Accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, send the letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Cutting down trees and using our guys. We've got mandarins, loveless sex and information passing right through our skinny bones. The lesson known in spite. and strides. Ignore my front, back, ignore my left and my right. It's my morale compass, and it's easy to find. Well thought out, intentionally left behind. It's incredible, yes, but how could I ever sleep at night? Know I had rules and know I had to abide. We've gone mandarax, loveless sex, and information passing right through our skinny pool. Oh. It's the information age, unless the consequence to the silence. Information age, a fountain bends and real stationary. Information age, unless it comes to clicks to the silence. Information age. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. On est tellement 1980. We are 1980 de Seth the Whale pour son numéro 19 anglophone. C'est la dernière nouvelle entrée de ce côté-là sur l'album Little Mountain. Avant ça, on a entendu Simon Kingsbury sur la compilation des Francouvertes 16e édition. Sa pièce est Feu d'artifice, qui était aussi une nouvelle entrée. Même chose pour les 20e. En anglophone, le groupe Topanga avec Fogo Island sur l'album Oceans. En fait, c'est un mini-album et Topanga va être en spectacle vendredi. Demain. Pour nous, c'est demain, mais c'est le 2 mars en général. Juste 2 mars. Montréal, Alisco Griff, donc Fogo Island. Et avant ça, en 20e franco, c'était Les Revenants avec Beau Danseur sur leur album Bête Lumineuse. Il nous reste encore deux nouvelles entrées à entendre. Du côté anglophone, elles sont pas, c'est pas les nouvelles entrées, les pièces qu'on a, donc on va les jouer plus tard pour jouer toutes les nouveautés en même temps. Donc on va avoir Audionautes en 17e place francophone. Mon début avec Winter Myths. Voici Le Paradis. Au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique et de la pire animation, comme on dit tout le temps. Que c'est fou à vous offrir. Nouvelle entrée. Les deux dernières nouvelles entrées du côté francophone, c'était Audionaut avec Sur les ondes en position 17 sur l'album Le meilleur des mondes. C'est les gagnants des Mars de la Relève 2011. Et avant, en 18e, Winter Myths avec Le paradis sur l'album Oceans. Winter Myths, ça me faisait penser à dans le passé, dans le bon vieux temps. Tu sais, dans le temps que c'était fou. Oui, c'était fou. C'est le petit bloc à l'intérieur des palmarès. C'est fou qu'on fait jamais. Mais maintenant, on a le temps parce que je suis seul en ce moment. Donc, on va s'écouter deux vieilles pièces qui étaient dans les palmarès. C'est fou. Il y a de cela très, très, très longtemps. Genre, on va commencer avec Winter Myths qu'on vient tout juste d'entendre avec leur pièce Le paradis sur leur album le plus récent Oceans. Mais sur leur vieil album Islands Disappear, il y avait une pièce qui s'appelait Camillo The Magician. Ah, ça, c'est pas que. Excuse-moi. Est-ce que j'ai parlé de. Oui, c'est ça, j'ai dit Winter Myths, mais c'est Set the Whale. Voilà. Donc, Set the Whale, on les entendra tantôt avec Camillo the Magician, mais on débute avec Winter Myths, une pièce de leur album Heirloom. Voici En avion au 89 FM. C'était fou. Je me suis juste mêlé de bord, pas grave, paraît pas pendant. En avion. remise avec ta senteur, ta voix dans l'appareil, le cœur se brise, la clé dans la porte, la clé dans la porte, la clé dans la Une de mes pièces préférées de tous les temps ici, assez fou, dans le bloc, c'était fou, évidemment. On vient d'entendre Camilo the Magician, qui date de début 2010. C'était par la formation Set the Well, qui est maintenant de retour, en passant avec la pièce We Are 1980 en 19e anglophone. On s'en a entendu En Avion par Wintermist, une autre pièce que j'adore. Ça date de fin 2008, début 2009. Et maintenant, ils sont de retour avec la pièce Le Paradis en 18e francophone. Donc, on se fait un petit bloc et c'était fou une fois de temps en temps, quand le temps le permet. Et j'aime donc ça, retourner en arrière juste un petit peu. C'est le fun. Donc, vous êtes toujours au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Tout à l'heure, la dernière fois, juste avant qu'on se quitte pour C'était Fou, on avait entendu les deux dernières nouvelles entrées franco, les 17 et 18e. Donc, on n'a pas entendu encore les 17 et 18 anglophones puisqu'ils n'étaient pas nouvelles. Écoutons-les à l'instant. Tout à l'heure, il y aura The Bar Brothers avec Beggar in the Morning qui monte de deux places. Mais avant ça, elle était nouvelle en 20e la semaine passée. Voici Holy Touch de Foxy Shazam. This is WQRX. That was a new hit, but really? Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Numéro 17. walk the outskirts of this town. Been terrorized by what I found. I saw a standing virgin bride, but holy Dionysus died. She tore the heart out of his side. Laid it there as she cried. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, she said, hello, I'm a monster too. What poisons me is what poisons you. These animals we grew when we were young, our eyes were blue. I take my medicine on my twice a day, believe in me. Keeps the devil from my door. And it makes me rich and it makes me poor. I'm a beggar in the morning. I'm a king at night. My belt is loose, my trigger is tight. It may come without warning. At the speed of the light, make it shine so pretty, make it shine so très bonne pièce de The Bar Brothers. Beggar in the Morning monte de deux places en 17e position anglophone. C'était nouveau la semaine passée sur l'album The Bar Brothers. Alors ça, on a entendu Foxy Shazam et Holy Touch qui monte de deux places. C'était aussi nouveau la semaine passée. L'album de ce côté-là s'appelle The Church of Rock and Roll. Et c'est bon, ça aussi. Quand on est dans de bonnes pièces en ce début d'émission, ça va très bien. Les choses roulent. On va se rendre jusqu'aux premières places qui, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, était la semaine passée Marie-Pierre Arthur avec Fil de Soie en francophone et Islands avec Hallways en anglophone. On va savoir si ça reste d'ici la fin de l'émission. On a tout plein d'autres choses qui s'en viennent aussi, donc il faut rester à l'écoute. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter par-dessus quelques petits trucs. Oui, du côté francophone, on va sauter par-dessus les 16e et 15e. En 16, c'est le Grand Nord avec Fille de Feu qui monte de 3... Non, en fait, qui est stable. Et c'est là depuis 9 semaines, donc c'est la plus vieille pièce qu'on a en ce moment dans le palmarès. En 15e, ça dure depuis 7 semaines, mais ça descend de 3 places, Morceau 3 des Breastfeeders sur leur album Dans la gueule des jours. On va l'entendre les 15e et 16e anglophones. Du côté de la 15e, c'est Library Voices avec Traveler's Digest, mais on débute à l'instant. Voici Steve Hill, stable, avec Burn. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Alexandre Dosti. Salut Alexandre. Forgotten names in the games we play. played the part, running all the lines like you're speaking from the heart. To give some local color by some local art, bring your backstory like you've always played the part, running all the lines like you're speaking from the heart. Sell my soul for an ounce of shame. Sitting thinking about the future, just like saying prayers that you're away. The destiny pain, I'm already on you wonder that heaven gates. So get some local color, buy some local art, bring your backstory like you've always played the part. Running over lines like you're speaking from the heart. Color by some local art, bring your backstory like you've always played the part. You're running over lines like you're speaking from the heart. Library Voices et Traveler's Digest, position numéro 15, ça monte de 3 places et c'était nouveau la semaine passée. Avant ça, en anglophone encore, on a entendu Steve Hill en 16e place, stable avec Burnt sur l'album Whiplash Love. Comme je disais, on a sauté par-dessus les 15e et 16e franco et Breastfeeders et Le Grand Nord. C'est la fin de la première heure, on se retrouve tantôt avec la musique de Gasoline, avec podcast de Jezebel's Plants and Animals et Salomé Leclerc et les tartines de Justine Renaud. Je la vois, elle s'en vient puis elle va passer un petit bout d'émission avec moi. Hein? Oui, oui, ah yeah. Fini les platitudes avec moi, c'est fini. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Deuxième heure des parleurs assez fous pour la semaine du 27 février au 4 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Justine Renaud. Hey, ça a même pas paru que t'as un sushi gros de même dans la bouche. Gros comment? Gros de même. Fait que sinon, ton geste aux auditeurs à la maison? Je dirais c'est de la grosseur de tout ça, à peu près. Là. D'un rond là, avec les doigts de gros de même. Certes. Une balle de tennis, peut-être. C'était bon, mais non, c'est pas de la nourriture, ça compte pas. Non, je sais, mais tu le manges dans le corridor, puis clairement, t'avais juste la bouche pleine quand t'es arrivé au micro. Non, c'est ça. Mais j'ai pas fait de graines nulle part, puis non, y a pas de particules, c'est cher. Voilà. Donc, Justine Renaud qui va passer un bout de l'émission avec moi en remplacement de Jasmine Raymond Drainville qui a une otite, la pauvre petite. Ben oui, je sais, mon Dieu, c'est donc même pas la vie, là. C'est quoi cette injustice-là? En plus, c'est le jour de la grève, nous, en direct le jeudi 1er mars. Ça. Donc, ça tombe très, très mal pour elle. Ben oui, mais je pensais, c'est ça, qu'elle allait peut-être assister à la grève de par sa position dans ce grand débat. De la grève. Mais je sais pas. Moi, je pensais sérieusement qu'elle était pas là à cause de ça. Mais finalement, elle a une otite. C'est vraiment en poche. Très poche. Triste. Mais par contre, Justine, ça, tu vas prendre la place. Tu vas faire tes tartines. Ben, je vais faire mes tartines comme d'habitude. Des tartines à la sauce soya. Ah oui, miam. Miam. Ça devient un petit peu mouillé, ça. C'est... Ouais, et surtout très, très, très salé. Pour rien. Et tout à l'heure, tu vas peut-être nous raconter une petite anecdote sur ce qui se passe dans ta journée ou dans ta vie. Ah oui, il y a plein d'anecdotes tout le temps. Yes! Tu fais des sourcils qui froncent. Tu peux faxer tes sourcils aux auditeurs. Merci. Mes sourcils ont l'air de ça, avec les doigts en... Comme ça, là. Avec les doigts. Les doigts. Oui, Mathieu a des doigts dans ses sourcils. Tout à fait, tout à fait. J'aime mimer la radio, on le fait pas assez souvent. Ben, pour une raison. Probablement. Il y a peut-être une raison pour ça. Donc, on va entendre un bloc trois quarts comme on les aime une fois de temps en temps. On va entendre là-dedans du Gasoline et du Jezebels. Mais on débute avec la 14e position francophone. C'est avec Podcast, qui est leur pièce Talent, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière. Trois quarts, ça veut dire qu'on saute une place. Super, ça. C'est plate, hein, mais c'est de même. Mais c'est des affaires qui arrivent. Ben, OK. Vous êtes au palmarès, c'est fou. C'est fou! C'est fou! J'ai pas fait aussi aigu que toi. T'es un garçon. Ah! On me confirme. Merci. We'll be right back. même si tout le monde le sait. Le good boy ne fait que t'avaler. Mais moi j'y vais, la tête et les yeux baissés. Mais moi je veux m'arrêter d'y penser. Si je lui donne mon cœur, elle volera mon bonheur. Car moi je ne suis qu'un autre garçon. C'est quoi son nom? La fille d'un fond, c'est gazolé. Je peux pas dire non, c'est tellement bon. Oh gazolé. Et quand elle te regarde, t'es pas le premier que les couteaux dans ses yeux te poignardent. Elle te fait sentir homme, puis moi il reste un homme, puis plus à l'air d'avoir le goût de croquer la pomme. Mais moi j'y vais, la tête et les yeux baissés. Mais moi je veux m'arrêter d'y penser. Et je lui donne mon cœur, elle s'envole à 6 heures. Car moi je ne suis qu'un autre garçon. C'est quoi son nom? La fille d'un fond. Down to make a hell of a morning. Bring me some gold from the vine. La formation de Jezebels et Tricolor monte de deux places en 13e position anglophone et avant c'était Gasoline qui monte de une avec leur extrait homonyme Gasoline. Hey, hein? Les fins des chansons aujourd'hui, ça finit plus. On a fait une analogie tout à l'heure, mais je ne partagerai pas le contenu. J'aimerais que tu partages le contenu, en fait. Bon, alors Mathieu, je t'avais dit qu'il fallait pas que ça sorte d'ici. Là, c'est en train de sortir tout partout à Trois-Rivières. C'est à cause de toi, là. C'était osé, ça? C'était osé. Tu te rappelles plus? Non. On avait dit que les fins de chansons qui en finissent plus, c'est comme quand t'as vraiment envie d'uriner le matin et que tu vas à la salle de bain, tu fais la chose et que ça finit plus. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Tu penses que ça a fini, mais non, ça continue. Là, c'est comme... Mais c'est une bonne raison de se lever, par contre, d'avoir envie de donner. Oui, mais non, mais quand ça fait trop longtemps, ouais. Là, puis là, tu sais, à un moment donné, tu es trop réveillé pour retourner te coucher. Puis non seulement on avait dit qu'on parlerait pas de pipi en ondes, mais en plus on a comparé ça à d'autres stations de radio qui parlent de faire pipi à des endroits bizarres, puis que les gens appellent, puis qu'on disait ça tombait pas de classe comme conversation, puis après on fait la même affaire. Voilà. C'est ça. On n'est pas mieux, hein? On n'est pas bien mieux. Mais ouais. En fait, on est beaucoup mieux dans plein de domaines. Là. Ben, selon nous, on a de la bonne musique. Au moins. Au moins. On n'a pas la bonne animation, mais au moins on a de la bonne musique. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Prochain bloc, on s'en va entendre. Je sais pas s'il fallait que je prenne ça personnel. Du côté anglophone, ce sera Plants and Animals avec The End of That qui est stable. On commence tout de suite en 12e franco. Ça monte de 6. Voici Salomé Leclerc et Garde-moi collé. Ouais, Crazy Glue. Yeah. Sexy, ça. Crazy Glue. Mais Garde-moi collé. Hey, l'animation aujourd'hui. On a des conversations là, de qualité ici. Oui. C'est des palmarès, c'est fou. Ben oui. Ça se résume à ça. Folie. Écoute-moi, observe-moi, garde-moi collé. Aspire-moi, préfère-moi, garde-moi collé. protège-moi. Garde-moi caché. Aveugle-moi, respire-moi. Garde-moi caché. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Garde-moi pour toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi. Plants and Animals avec The End of That, stable en 12e position anglophone. Et avant, c'était Salomé Leclerc avec Garde-moi collé qui monte de 6 places. Et ça, c'était nouveau la semaine passée sur l'album Sous les arbres. Tantôt, on entendra les 11e positions, un Funambule et Wood Pigeon. Mais avant ça, Justine Renaud. Oui! C'est les tartines de Justine! Oui! T'es bonne, t'es bonne. Une vraie orchestre. Eh ben oui, moi je suis une femme orchestre dans mes temps libres, vous ne saviez pas. Je fais même des mariages. Ah oui? Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Ah! Ou 1-819-872-3-4-5-6-12-20-22. Femmeorchestre.com. Complémentaire 19. Exactement, avec la petite barre en dessous. Une excellente femme orchestre que je recommande. Voilà. Ah, tu me recommandes, t'es oui, donc majeure. Je recommande à tout le monde en fait. Oh, c'est donc ben, cute. C'est comme... Ah, j'ai pas de mots. Rien à dire, hein? Rien à dire. Donc, tu nous présentes aujourd'hui Metric. Ben oui, Metric est un groupe que j'apporte dans mon cœur depuis longtemps. En fait, je peux vous raconter une histoire vraiment drôle. En fait, c'est pas tout drôle. Mais je me rappelle de quand j'ai entendu parler de Metric la première fois dans ma vie. Autrefois, avant ma carrière de femme orchestre, j'étais commis au Subway, au centre-ville. Et oui, c'est moi qui ramassais le vomi des Toulons après 3 heures du matin. Ah, wow, c'est pas aussi glamour, hein? Ben non, c'était cool. C'est le fun. On voyait de toutes sortes. De couleurs dans le vomi. Ouais. Exactement. Je savais comment repeinturer ma chambre après ça, là, pas de problème. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait une fille avec qui je travaillais. On la salue, Joannie. Salut Joannie. Jo-E-Annie. Jo-E-Annie. Oui, Jo-E-Annie, comme J-O-E, trait d'union, Annie. OK. C'est cool. En tout cas, fait qu'elle m'avait parlé qu'un de ses groupes préférés, c'était Metric, puis le groupe préféré de son ami, c'était Metric. Là. Tout le monde parlait de Metric. Mais quand elle prononçait, je sais pas comment elle prononçait Me ça. Metric, hein? Genre, Metric, Metric, mais en tout cas, je savais pas. Fait que dans ma tête, c'était pas comme le système métrique. C'était autre chose complètement. Avec de la viande, en tout cas. Ouais. Jusqu'à plus tard, une de mes bonnes amies, Jane, hey, on salue Jane, elle a déjà fait un dessin de la pochette de Old World Underground, Where Are You Now? Que c'était Emily Haynes, dans le fond, là, complètement noir. Puis là, j'ai demandé c'est quoi ça, puis elle dit ah c'est Metric. Là, un moment donné, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre. Par l'association. Plus tard, j'ai acheté l'album. C'est vraiment compliqué mon histoire. C'était en fait, j'ai pas acheté l'album. J'ai dit à une de mes autres amies, Joannie, qui a pas de E dans son nom, d'acheter l'album. Elle l'a fait. Hey, ta vie sociale est remplie de gens. Non, non, de plein de monde qui s'appelle par J. Là. Joannie, Jane, Joannie, Joannie, Jean-Sébastien. Joël, Julien et Dada vont à l'école. Oui. Ça me rappelle une pub qui joue assez fou. Soyons comparables. Oui, tap. On les aime en passant, c'est pas une blague. Fait que Metric, ça fait longtemps que j'ai porté dans mon cœur. Ça, oui. C'était avant de ma carrière. Je sais pas pourquoi je parle de ça. En fait, c'est vraiment pas pertinent. C'est long comme parenthèse, c'est je trouve. Grosse parenthèse. Il faut les mettre des parenthèses carrées rendues là, ça passe plus. Là. Il y a des normes à quelque part. Là. Bon, Metric, groupe canadien, indie rock, new wave, disent-ils sur Wikipédia, qui a été fondé en 1998 à Toronto. Emily Haynes, qui est la chanteuse de ce groupe, qui joue également des synthétiseurs et de la guitare. James Shaw, guitariste, qui joue également des synthétiseurs. Et le theremin. Oui, theremin, c'est l'affaire que tu joues avec les mains dans les airs. Ah, ça! Ça fait du... Oh mon Dieu, c'était comme dans Carmina. Pareil! Okay. C'est la référence que tout le monde va comprendre, Carmina. Pour ben, Carmina, quand même. Oui. Bon, laisse faire. C'est à peine ça s'appelait bon. Pas Theremina. Non, Carmina. OK. Theremina. Et le bassiste John Winstead et le drummer Joe Scott Key. Pourquoi je nomme tous les gens? Mais c'était parce qu'ils commencent tous par J, leur nom, sauf Emily Haynes. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. En tout cas, elle, bref. Rejet. Emily Haynes et James Shaw qui ont aussi fait des apparitions dans le groupe Broken Social Scene, oui. Dont j'ai fait une tartine au sujet de Broken Social Scene. Le beurre est bien épais. Une broken tartine. Et Haynes qui a aussi eu une carrière solo auparavant. Ça, avec les avant, soft skeletons, c'est ça? Emily Haynes et the soft skeleton. Vraiment que j'adore vraiment là, ce qu'elle a fait solo. C'est complètement différent de Metric, mais on voit vraiment là, qu'elle a la fibre artiste à côté. Là. Fait que, en tout cas, mettez la paire à la sécheuse, ça rétrécit des fibres de même. Alors, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, on parle de Metric. Pourquoi je parle de Metric et pourquoi suis-je aussi emballée aujourd'hui? Ce n'est pas à cause que ça fait 3 jours que je dors pas, puis que j'ai pas bu de café, puis que je capote bien raide, puis que j'ai du sushi dans le ventre, mais plus, par exemple, du fait que leur nouvel album sort. Bientôt, mais c'est en juin. Attends une minute. C'est loin, c'est là. De un, quel est le titre de leur nouvel album? Ouais. C'est Synthetica, qui va sortir le 12 juin. Mais attention, j'ai trouvé un site où il y a le countdown. Alors, dans 102 jours, 15h, 34 minutes et 29 secondes, ça sort! Hey, hein, les 29 secondes sont importantes. Ben, c'est important. C'est la même affaire comme à la Chasse-Galerie, là. Il y a des countdowns. Le match des Canadiens. Mais, tu sais, on s'entend que la sortie d'un album Synthetica de Metric, c'est beaucoup plus important que voir Scott Gomez ne pas scorer. Alors, ça pour dire que, alors, un peu de leur discographie, parce que dans le fond, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble, mais ils ont quand même réussi à être particulièrement prolifiques, selon moi. En 2001, est sorti Grow Up and Blow Away, qui a aussi été ressorti en 2007. Fouillez-moi pourquoi ils ont fait ça. Il y a eu comme deux sorties de cet album. Ils ont peut-être changé d'étiquette. Ils ont changé quelque chose. Les chansons ne sont pas exactement pareilles. Ah, pour vrai. Et j'ai l'oreille fine, hein, moi, étant femme orchestre. J'ai su déceler ces petites différences-là. Les deux sont tous bons. En tout cas, Old World Underground, Where Are You Now, c'est le dit album que mon ami Jane a dessiné. Oui, Jane. 2003. 2005, Live It Out, un album très bon, un petit peu plus agressif selon moi, avec la fameuse chanson Monster Hospital là, qui gueule à mort, j'adore ça. Il était plus agressif, fait que ça, c'était pas Jane qui l'aimait, Tarzan la même époque. Tarzan? De quoi tu parles? Tarzan et Jane. Oh, Jane! Oui! Excusez-moi, j'ai pas de cette époque-là. Mais en fait, oui, là, mais moi, j'étais ailleurs. Là. J'étais plus à l'époque de Tarzan, je pense, avec Phil Collins là-dedans, dans le fan sonore. C'est pas lui, ça? Ben, je sais pas. Moi, j'aime Phil Collins. Il est chauve. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Et dans le fond, leur dernier album, qui était Fantasies en 2009, qui a vraiment beaucoup pogné, surtout ben oui. du côté mainstream, là, que ça a commencé à vraiment lever leur affaire en Netflix. Puis, mais aujourd'hui, on n'écoutera pas une chanson de leur album Fantasies que j'ai trouvé peut-être un peu moins bon que les autres. Pourquoi mon amie Stéphanie Gagné dirait l'inverse, que c'est son album préféré. Et c'est fou de dire que chaque extrait ou presque de cet album-là a été sur le palmarès, donc. Ouais, mais c'est bon. Ça. Non, je veux dire, oui, je sais qu'il est bon, c'est mais c'est pas ton préféré, c'est, t'as le droit. C'est pas mon préféré à moi. J'ai trouvé que ça, c'était un peu. Trop pop? Ben, un peu pop. Ça manquait le petit côté edgy de Emily Haynes, quelque chose, un petit côté sale agressif. Sale, un peu grunge, un peu. Eux autres en haut, ils disent indie rock et new wave. Ah, indie rock, ça veut tellement rien dire, sérieux. Indie rock, tout est indie rock. Mais oui, je suis indie rock, moi. Yeah! bref, c'est ça. Fait qu'on va aller écouter tout de suite une chanson de leur album Live It Out qui s'intitule Empty. Une chanson particulièrement agressive que j'ai adoré les voir en spectacle. Ils ont fait cette chanson-là et c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Puis, ça a vraiment levé le party. En passant, j'étais à troisième rangée en avant. On était debout au Métropolis, je pense. Puis, il y a eu un mosh pit. C'était vraiment fou raide. Il y avait une espèce de Français de France qui voulait ma place. Là. Il voulait ma peau. C'était intense. Là. Puis, finalement, on est monté en haut. J'étais vraiment déçue, malgré moi. Là. J'aurais voulu rester dans le mosh pit. Tout le monde veut rester dans un mosh pit. Voilà, empty, metric, c'est fou, trois ingrédients parfaits. There's no way out, the only way out is to give in. When there's no way out, the only way out is to give in. How I love C'était Sock Sexy. Sock Sexy. Ouais. C'est dur à dire, quand même. Je suis désolée, j'en ajoute tout le temps un de trop. C'est un mélange entre success et sexy. Ben non, mais c'est pas mal ça. C'est un mix des deux mots. Success et sexy. En un mot, sock sexy. Bref, ça pour dire, ça vient de Metric. La chanson d'avant, c'était Empty. Et une anecdote. Vas-y. Saviez-vous que Emily Haynes est née à New Delhi, en Inde? Hey, Qu'est-ce que c'est ça? Elle est faite en viande, c'est ça que tu veux dire? Non, arrête-toi avec tes jokes de Delhi, là, comme un comptoir à Delhi. Là. Non, c'est pas drôle. Non, je sais. J'ai travaillé, par exemple, à la charcuterie. Anecdote encore. Oui, avant le Subway, mais avant aussi ma job de femme orchestre. Oui, ça c'est le présent, évidemment. Mm-hmm. Je suis femme orchestre, bien entendu. C'est qui fait la chanson, d'ailleurs. Oui, mais c'est ça, je coupais de la viande, de la bologne, un pouce d'épais pour des grosses madames. Écoute, j'ai vraiment adoré ce bout de la magie. J'ai taffé 5 mois. Ouais. J'étais plus capable. Les petits enfants, là, potelés qui mettaient leurs mains dedans ma vitrine quand je venais juste de. Bon, c'est fini mon défoulage. Commentaire éditorial terminé. Je suis désolée. C'est correct. On a gêné peut-être quelques personnes, offusqué d'autres. Non, c'est correct, manger de la bologne. Mais pas un pouce d'épais. Non, ben ça, c'est pour un empoil, j'imagine, c'est pour un empoil. Ben, dans le poil. Ben, même là, un pouce d'épais dans le poil. C'est un peu épais. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, moi, comme n'importe quel enfant des années 90, j'ai mangé de la bologne dans mes sandwichs un petit peu. Là. Ouais. Mais là, un pouce d'épais. Bon, on en revient? On en revient. C'était les tartines de Justine. On les retrouve dans 2 semaines, mais tu restes avec nous, là. Ben oui. Voilà, j'espère bien. Un petit peu, au moins. Je vais faire un petit peu de compagnie. T'es fine, hein? Je serai ton chien de compagnie. Pourquoi chien? Chien de compagnie. Animal de compagnie en général. Ouais, j'aurais pu être ton lézard. Va te sortir ta roulette, là. Un lézard? Ben oui, ça n'a pas besoin d'entretien. Tu lui donnes, je sais pas, moi, un hippopotame, puis il se nourrit avec ça pendant le restant de sa vie. T'es en train de dire que tu t'entretiens pas, là? Ben oui, je m'entretiens. D'où l'odeur, non? J'ai tellement de choses d'indemps. Oh, cool. Donc, on est rendu au 11e place du côté anglophone. Ce sera Wood Pigeon avec Four Paolo qui est stable, mais pour l'instant, ça descend d'une place. Voici Funambule et l'antre des indécis. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. New Delhi est fait d'ambiance. Hey! C'était pas drôle en ronde et pas même plus drôle en ronde. Ah non, un pouce d'épais, c'est pas drôle. Ah, tu sais que c'est la largeur qui compte et pas la longueur. Arc! Wesh! Ciel sous nos pieds tard au-dessus de nos têtes. Moi qui patauge dans la marge, je pourrais bien peut-être. Le flou d'indécision et la marche qui défie mes frayeurs. Quand mes pensées lunatiques me laissent rêver. M'emprisonne, les choses tardent à changer et l'illusion me dérange. Parmi des milliers de souvenirs, certains surplombent les autres et déplombent mon sourire à savoir à qui la faute. êtes assez fou pour l'écouter. 89-1 Numéro 11. La pièce Four Paolo de Wood Pigeon, stable en 11e position anglophone, et avant c'était Funambule avec l'antre des indécis qui descend d'une place. Avant de continuer avec les prochaines positions, on petite section potin, des palmarès assez fous. Ben oui, une petite section potin, ouais. Comme le magazine 8 jours. 8 jours, ben oui. Ça, une semaine et demie. Non, on parlait de Cœur de Pirate qui a quitté le palmarès. Cœur de P. Cœur de P qui avait Golden Baby la semaine passée, ouais. Jusqu'à la semaine passée. Là, c'est plus là. Là, c'est plus là, pas en tout. Là. C'est même pas comme genre un peu là en 20e. Non, c'est comme plus là. Mais moi, je dis qu'il est en congé de maternité. Bravo. Elle est enceinte, Cœur de Pirate, et fiancée en plus. Ben oui, et tout le kit, le full package. Là, écoute, un peu plus, elle est en train de clouer des moulures dans sa nouvelle maison. Là, je sais pas. Là. Mais non, sérieux, mes sources, c'est quand même la presse. La presse en général, pas la presse. Ben, la presse. Ouais, non, non, la presse, dans le sens... Le je journal? Pense, le cyberpresse, je pense. Ah oui? Attends, mais la presse. Point, branche de point cal, la presse point cal. Ah, ouais, ça. Ouais, ouais. Mais en fait, ma source, c'est Sarah, ma copine, qui m'a dit que c'était écrit sur la presse. Une patineuse, pas mal, hein? Bah oui. Oui. Une patineuse artistique. C'est correct. Bon. Donc, Cœur de pirate qui est dû pour cet été, donc. Ouais, et dû. Il est pas mal dû. Mais ben, tu sais, hey, comment ça s'est fait. Ça fait quand même un bout, là. Ouais, hein? Quelques mois. Et elle a cassé avec Jay Malinowski de Bellwin Sound Clash il y a peu de temps. Oui, mais c'est ça, pas juste ça. Elle a fait des poses quasi nues dedans, promotionnelles dans un. Très joli, magazine, pour un magazine quelconque. Magazine quelconque. En tout cas, ça passe aussi. Sur les internets. Sur des places, là. En tout cas. Puis, je sais pas, là, si moi, j'étais l'enfant de Cœur de pirate, de savoir que j'ai fait la une des magazines dans le ventre de ma mère. Ah, ben oui. Tout ah, nu. J'avais pas vu ça. C'est quelque chose. Non, mais c'est correct. Là, je respecte son choix, par exemple. Ah, oui, mais, ah, on la juge pas du tout. On a fait qu'en parler. Elle a fait un test de grossesse, genre, la semaine passée. Puis là, non, mais tu sais, comment? Je sais pas. Comment? Ça a sorti tout d'une frappe. Moi, je suis toute abasourdie hier quand je cuisais mon saumon. Là, ça a fait un... Pow! Mon quinoa, il a fait... Puis, ben, mes poivrons, ils ont fait... Oh! C'est ça. Cœur de pied j'ai l'impression enceinte. D'y être. Live dans ta cuisine. C'était super bon dans ma bouche. Comme Sœur Angèle, ben oui. Femme orchestre. Hey, Sœur Angèle a le cancer du côlon. Arrête donc. Hey, dis pas teint, toi. Non, mais ça, c'est vraiment triste. Ouais, là. Je sais bien. Sœur Angèle, là, je voudrais que ça soit ma grand-mère. Je salue ma grand-mère que j'aime pareil. Elle pourrait pas être ta sœur et ta grand-mère en même temps. Ma sœur et ma grand-mère en même temps. Ouais. Il aurait fallu que ma mère donne naissance de Sœur Angèle avant sa naissance. OK. C'est weird, ça. En effet. Ça fait très futuriste, science-fiction. Oui, et, Futurama pour en parler. J'allais dire Futurama, j'étais pas sûr que la référence volerait. Volerait comme un vaisseau spatial. Quoi, le bonhomme avec les tentacules dans la face, il est enceinte. Hein? Non, c'est pas vrai ça. Je sais pas comment il s'appelle non plus, j'ai jamais écouté ça, Futurama, c'est super c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Très, très bon. J'ai jamais écouté Dr. Zoidberg, tu parles avec les... Oui. Oui, oui ben il est enceinte. Ah, enceinte. Comme dans Junior avec Arnold Schwarzenegger. On fait les liens aujourd'hui. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment un film poche. Junior puis Jumeau, là, les deux Juju, oh, là. Juju, ouais. Hey, c'était mon nickname quand j'imagine. J'avais 2 ans. Ouais. Voilà, passons maintenant, à autre chose. Maintenant, c'est Tintin. Oui, sérieux, c'est Tintin. Pour vrai, Tintin? Ben oui, c'est moins beau, dans mes cours de karaté, c'est Tintin. C'est parce que t'as beaucoup de graines de beauté. Hein. Oui, entre autres, mais tu sais, c'est pas que mon prof il a vu mes graines de beauté. Ouais. On sait jamais. On salue mon prof de karaté, Michel. Bonjour Michel. Mike. Ouais. Continuons. Hey, je pense qu'on a parlé de comme 8 affaires en dedans, 45 secondes. Correct. Donc, on est rendu aux positions numéro 10 et 9. On va faire un bloc 3 quarts encore une fois. Donc, on va sauter par-dessus The Darcy's. On va entendre On a créé un monstre et Dutch SS. Mais on débute avec un Medi Cayenne Club. Voici Au Canada qui monte de 10 places. Au Canada. Au 89.1 FM. Au Canada, au 89.1 FM. Mais c'est pas au 97 ou en tout cas, je sais pas quoi, la station de radio que j'aurais pas dû mentionner. J'ai pas mentionné au complet. C'est pas ça. Chut, faut pas le dire. Come on. numéro 9. Chanson 5.0, on a créé un monstre. Et ça, c'est la position numéro 9 stable du côté francophone. Il nous reste rien, en fait, à faire jouer parce qu'on saute par-dessus The Darcy's avec leur morceau Josie qui monte de 4 places. On a entendu les 10e places aussi, c'est-à-dire Duchesses avec Narcisse qui descend de 6 places et Medigayan Club avec Au Canada qui monte de 10 places. Cette nouvelle entrée en 20e place la semaine dernière. C'est la fin de la 2e heure des Palmarès Sifou. On se retrouve dans quelques minutes pour une 3e heure et on va entendre là-dedans, entre autres, la musique de Move, de Sago, Band of Skulls, Elliot Brad, Dr. Doug et James Addiction. On va essayer de passer le plus de choses possible. Et aussi, les instants classiques d'Assemblage Rocky. Oui! Ah, oh, mon bout préféré. Une chance que t'es là pour les entendre. Je suis là pour de tout oui de mes oreilles. Tout oui! Tout oui! Tout oui! Comme Franck Vivant Gros Minet. Oui. C'est Tweety, je pense. Tu fais lequel, là, pour que je m'ajuste, là, Colin? Là, je crois que je jouais Tweety, étant donné qu'il a vu un Gros Minet. C'est sûr que Sylvestre aurait pas dit ouais, « Je crois que j'ai vu un Gros Minet ». C'est lui-même, tu sais. « I think I saw Pussycat ». Pussycat. Ouais, mais non, je sais pas les voix de ceux-là. Je pense pas que j'imitais la voix. Là. C'était plus la phrase que je disais. Je pense pas que c'est une bonne imitation. Non, c'est un flop, hein? C'est un flop. Comme les ailes d'un oiseau. Flop, flop, flop, flop. Ouais, elles sont bien molles et mouillées. Je pense des ailes mouillées. Molles et mouillées. Les ailes mouillées, là, c'est bon, ça? Avec yeah, un petit peu de sauce. Hein? Ah ouais, c'est en promotion à la cage. Wesh. La cage à gogo. Hein? La cage à gogo. Ah ouais, la cage à gogo. Ben oui, je sais tout à fait de quoi tu parles. Bon, ben. Mettons autre chose, hein? Une, c'est un silence. Ouais, je sais pas. C'est une fin d'heure. En même temps, on prend ça de chill. Crie. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Troisième et dernière heure des Panorama C'est fou pour la semaine du 27 février au 4 mars 2012. Elle, c'est Justine Renaud en remplacement de Jasmine Raymond-Dreville. Je pensais l'avoir, mais je l'ai pas eu. Lui, c'est Mathieu Plants and Animals. Hey, j'aime ça! C'est bon? Plants and Animals, c'est le nom d'un groupe, ça? Ben oui, Mathieu Plants et Animaux. Ouais. Ben, en tout cas, bref. Animaux comme un oiseau? Non, on reviendra pas là-dessus, je pense. C'était un flop tantôt. C'était un flop tantôt. Donc, on est rendu aux positions numéro 8. Et en fait, on va faire un autre bloc 3 quarts. Aujourd'hui, on fait beaucoup de blocs 3 quarts pour essayer de rentrer dans notre temps. On va sauter par-dessus Neuron du côté franco en 8e. C'est Chambord. On va l'entendre à l'instant. Jane's Addiction et Curiously Kills qui montent d'une place au palmarès. C'est fou. Mais après ça, ben, ça va être les instants classiques. Oui! Ça fait deux fois, je le dis. T'as l'air de plus en plus excité, plus le temps avance. Super, le fun, ça, c'est bon. C'est la meilleure affaire ever, ça? Ever. Ever. Ever, ever. Ever, ever, ever, ever. Genre, à mon enterrement, on va jouer en boucle des instants classiques. Cool. Tu peux-tu être là? Ouais. Toi, tu pourras pas être là, t'es morte. C'est ça. C'est ça. Ouais. Yeah. femme. Madeleine, tu me fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. On fait des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants. Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Numéro 7. I don't know how to say it, but I know that I can show you my time. Dr. Dog et That Old Black Hole, stable en 7e position. Avant ça, du côté franco, c'était Mo avec Madeleine, stable aussi. Avant, on a entendu en 8e anglo, Jane's Addiction et Curiosity Kills qui montent d'une place. On a sauté par-dessus Neuron avec Chambard qui monte de la 11e en francophone. Tout à l'heure, on entendra les positions 6-5. 6 et 5, hein? On peut mettre un 1 les deux. 6-5. Mais pour l'instant, c'est des instants classiques. Est-ce que tu veux me faire un dernier yé? Oui, c'est pas un yé. Excuse-moi. Vous choisirez de dire yé, oui ou mais. Non, après, non. C'est meilleur. Yé, yé. Yé. Yé, yé. C'est meilleur moment d'assemblage requis pour la semaine du 27 février. Oh, bon, ouais, toi. Mm-hmm. Majib Cro-Magnon sur l'album La Caverne à Assemblage Requis. Moi, j'aime cette petite fin. Ouais, c'est tranquille. Je sais pas si on l'entend bien. Je sais pas, hein? Mm-hmm. Ouais. Bon, vous levez le son, tu mets ça. Ça va me réveiller à matin, ça. Ouais. Maintenant, on monte dans le canyon. François, est-ce que tu... Ouais, on embarque, ma belle. École, non? École. Voici qui en cavale. Hey, on y va avec du Topanga. Parfait. Oui, oui. Une nouvelle entrée dans le palmarès anglophone. Faut go Allen. Stop-moi ça, Topanga-moi ça. Stop-moi ça. Écoute, Topanga. Moi, j'aurais appelé ça Pogo Allen, puis j'aurais mis un bâton dedans. Parle pas dessus, s'il te plaît. Ben, OK, de bord. Voilà. Hey, non, mais il y a du fan de ce gars-là. Au moins, t'as repart, tu sais. Moi, je dis, j'ai repart, donc je stop and go. Stop and go. Lève le son. Là, c'est toi qui parles par-dessus. All right, oh. This is Mathieu Plum. All right, this is WQRX. That was a new hit, but really? J'adore la fin, c'est tout. Voici Too Late au 89.1. C'est fou. Ça repasse la voix. C'est vrai, je devrais. Realm of Mind, Dawn on Moon par Apturus. Ça était quand même pas pire. Hey, tout un hit. C'était formidable. Tout un hit, formidable. Hey, c'est pas sarcastique. Ben non, hein. Ah, regarde. Tu me feras un CD. Oui, je te grave ça en 3-4 copies. Tantôt, il jouait au quoi, Roche Papier Ciseaux? Ouais, j'ai gagné. Ouais, gagné. Roche Papier Ciseaux Spock, non? Spock? Oui, non, je suis pas capable de faire ça. Hein? Pas capable de faire ça? Mais on me l'a appris l'autre jour, mais. On me l'a appris. Aïe, aïe, est-ce qu'il y avait des instructions là-dedans? Oui, oui, vraiment. Étape petit A, petit B. Bloc spécial, écoutons là-dedans la chanson. Donc, je vais vous dire les titres et là, vous allez pouvoir me dire votre théorie. Tantôt, il y a un thème qui regroupe ces pièces-là, ces artistes-là. Donc, Sous les arbres de Salomé Leclerc. Avant, c'était Poêle à bois de Chantal Archambault. Et on a débuté avec une pièce de Marie-Pierre Arthur, Fil de soie. Ma théorie, c'est il y a des vers à soie sur les arbres. Les arbres vont dans le poêle à bois. Moi, je soupçonnais plus les artistes d'avoir un lien entre eux autres, mais on dirait que je le trouve pas. OK. Donc non, l'idée, c'est ces trois artistes que j'entends souvent assez fous et que je confonds l'une pour l'autre. Je pense tout le temps que c'est Salomé Leclerc, mais ben, c'est Marie-Pierre Arthur. Je pense tout le temps que c'est Marie-Pierre Arthur, c'est Chantal Archambault. Je pense que Chantal Archambault, c'est Salomé Leclerc. Ça marche pas, ça. C'est ça. T'sais. Ça ou les arbres. Je trouve que mon idée est beaucoup mieux. Un ou l'autre. Eh bien, il y en a une plus intelligente que deux autres. Donc, merci d'avoir gagné, Andrew. Ça me fait plaisir. Gagné. Premier mars. Avec une neige ce matin. Ah, ben ouais, mais ça n'a pas d'allure, ça. Comment c'est le mois de mai? Oui, je sais. Hey, ils se prennent pour qui? Miss Météo, comment ça s'appelle? Dame Nature. Dame Nature. Miss Météo, Dame Nature, pareil. Hein? Monsieur Hubert. Ouais, si on veut. Donc, on a un invité spécial en studio qui doit aimer notre sens de l'humour ce matin. Hein? Ben oui, ça réveille. Ça réveille. Ça réveille pas bien. Mais ça réveille. Non, ça réveille bien. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 1er mars 2012. Lui, c'est François Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plon. Et merci à notre invité spécial qui était... Anne-Sophie Asselin. Oui, très sympathique. Elle parlait du pic à glace. Comme. Hein? Oh! Quoi? Est-ce que t'as dit ce que je pense que t'as dit? Ben, j'ai dit qu'on m'avait dit que la dame était jolie. Oui, ouais, jolie. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Voilà. C'est dit, hein? C'est ça. Hey, bye! C'est malaise, hein? Non, je pense que je vais le laisser durer, j'aime ça. Ouais, je fais un petit peu. Pas trop longtemps. Ah ouais. Ben, moi, je m'en vais. Ouais. Ouais, Simon faisait son petit cruise control. Ben oui, Colin, petit coquin. Oh, apparemment qu'elle est jolie, cette jeune dame. Ben oui, c'est ça. Oui. Ben, devait, ça se peut. Il aurait fallu que je voie. Moi, je suis critique ultime dans la beauté des femmes. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. OK, tu les cotes sur une cote... sur quelle échelle? Sur une planche à découper. Ouais! C'est vraiment violent. Ça. Ouais. Oui, décadence, appelez-moi si vous voulez faire un autre film. Oh. Oui, non, j'y cote pas. Belle ou pas belle, c'est pas compliqué. C'est ça, t'es pas si... parce que, non, c'est pas fin, là. C'est un petit peu dégradant pour la femme, là. Mais non. Ben non, OK, je vais vous avouer, je suis beaucoup plus gentille que ça. C'est dans mes goûts ou pas dans mes goûts. OK. C'est pas belle ou pas belle. Il y a quelqu'un qui peut être belle pour quelqu'un puis pas belle pour quelqu'un d'autre. Puis, ouais. Je sais pas, belle, pas belle, je suis une poubelle, belle, parce que la vie est laide. Jean Leloup, ça? Uh-huh. Oh, j'adore cette c'est chanson. C'est poétique. Poétique, c'est pas très éthique, non, c'est vrai. De voler les paroles des autres, non? Ouais, c'est ça. Il faut nous envoyer un email. Fais-tu que journalistique? Non. Il faut que tu fasses ce geste aux auditoires. Aux auditoires? Au pluriel. Aux différents auditoires, on a tellement. C'était lever les lunettes comme un geek. Fait que, éthique journalistique. Un petit peu comme toi, dans le fond. Non, pas tant. Je m'excuse, c'est à cause que t'es quand même au courant du fait qu'il y a un bracelet qu'il faut que tu plugues dans un ordinateur. Un bracelet, oui, tout à fait. Il y a un bracelet. Pour prendre de choc. Ben, c'est pour quand tu répares un ordinateur pour pas pogner de choc, parce que j'arrête pas de pogner des chocs sur la console de la radio. C'est connu, j'en parle souvent. Va falloir que tu t'achètes un bracelet à console. Ouais. Pas de consoler. Un prix de consolation. On course! Wow! OK, j'ai de la poignée. Super! Bravo! Pardon, je suis désolée. Non, mais quand même. Faut que j'aille me coucher, hein? Reste avec nous encore un peu. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui! Donc, on était rendu pour si on 6 et 5. On va faire un autre bloc 3 quarts, c'est-à-dire qu'on va jouer 3 pièces sur 4. On va sauter par-dessus Galaxy en 6e franco avec Mélodie Mécanique. On va entendre plus tard Sago et Band of Skulls. On débute avec Elliot Brad. Voici Stable en 6e, If I Get Old. Et n'oubliez pas d'écouter Assemblage requis, je le dis au jeudi, entre 7h et 9h. Constamment. C'était le but de la chronique qu'on vient juste de faire. Oui. Comme pas dit. Uh-huh. Mais je serai au rendez-vous, moi. Je serai au rendez-vous. Arrête de m'imiter comme c'est si j'étais une fée-fille. Ouais. Go. Comment? Go. Go. Pointage de doigts. OK. Je pensais que c'était ma note sur 10. 1. Bah. 2. 2? Merci. Je monte au moins. Youthful hearts get stressed along the road and buried under all they've come to know. Living fast, this wilderness won't last. These days just blow away into the past. If I get old, I'm living easy, finding nice old country home. Let the land do what she wants to, leave her wild and overgrown. And when I'm sure my days are numbered, find a nice place in the fields and thank that little voice inside my head. Such good company. easy. Find a nice old country home. Let the land do what she wants to. Leave her wild and overgrown. And when I'm sure my days are numbered, find a nice place in the fields. I think that little voice inside my head for such good company. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Comme tu respires à la paille, fakir à tête de soleil, tes pieds de cuir me réveillent, de la braise entre mes dents. Alors j'ai fait du café et je vais me recoucher pour vivre encore. Cette ceinture à la taille luit sous le ciel de safran. Fait pleuvoir du sel d'ambre. Dans ses yeux, Liliane et Luther regardent ce chat transpirer et avaler la lumière. We'll be right back. takes care of his own. Do you dare to speak his name? There's evil at the root. Cruel or kind, it's on your mind. Go on and give the dice a roll. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail that you're idle in your welfare? Now you wanna know an answer, but if you're dancing, you're a dancer. Takes care of his own. Man of Scars avec The Devil Takes Care of His Own en cinquième position. Ça monte de trois places. Et avant, en franco, c'était Sago avec le piano mâle qui monte d'une. Pas Sagot, pas Sagot. Sagot. Bob Sagot. Ou Togas, si tu lis complètement à l'envers puis t'es dyslexique. Sago, bref. Oui, avant ça, en sixième place, on a entendu du côté anglophone Elliot Broad avec If I Get Old qui est stable et on a sauté par-dessus Galaxy avec Mélodie Mécanique qui descend d'une place. On se dépêche pour passer un autre bloc trois quarts. On va sauter par-dessus les Delaware Chuck, oui, mais on va entendre Islands et Les Campesinos. On débute avec Marie-Pierre Arthur, l'ancien numéro 1. Voici Phil le Soir. On aura un petit peu plus pressé que tantôt. Ben oui, un petit peu. Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras. Pas à pas, tu m'en crois de rien. word upon a foot brochure. Sure, she would whisper and she would wear that thing like a skirt. The last time I was there, she let me wear her clothes. She painted my lips red so that we both ensured. I kiss her every inch. My God, the girl looked like she'd burn. All night hung on your every word. Till we were interrupted by the birds singing, oh, numéro 3. Entendre Islands avec la pièce Always. C'est l'ancien numéro 1, c'est maintenant la position numéro 3 du côté anglophone et avant du côté franco. C'était, on a sauté par-dessus Roman Coke des Delaware Chuck. En quatrième place anglophone, on a aussi entendu Los Campesinos avec Songs About Your Girlfriend qui monte d'une place et on a débuté ça avec Marie-Pierre Arthur et Fil de Soie, l'ancien numéro 1. Fil de Soie. Fil de Soie. Fil de Soie dentaire. Oui, ainsi soit. Je salue ma dentiste Isabelle Veilleux. Bonjour, Madame Veilleux. Elle est très gentille. Oui. C'est la blonde du gars qui a le temple. Hey, fun. C'est vraiment fun, drôle. Fun. Continuons. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit que c'était tout intéressant ce que tu disais, pas tout le l'exception temps. Qui prouve la règle. Hein, c'est ce que tu fais chez le dentiste. On va faire ça. Donc, on va y aller avec les positions numéro 2. Du côté anglophone, on monte une place avec East Road et A Long Way to Go. Il leur en reste pas long à faire pour se rendre au numéro 1. T'as compris l'association du oui. Not A Long Way to Go. C'était très bon. On monte de 3 places du côté francophone. Voici David Giguère et encore. Et là, ça commence sur un Big Ben. Fait que. Go! Yeah. entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours téléphone. Et puis elle joue, et puis me déjoue, et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Passer sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Aller creuser, aller crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. My dreams for tomorrow. grey cloud. The sun always shines. After these long black nights, morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Still a long way to go to reach the goals of my life. Keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Still a long way to go to reach the goals of my life. I'm keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Song to my ear. East Road avec A Long Way to Go, c'est la position numéro 2 anglophone. C'est une formation locale de Shawinigan. Oui, Shawinigan. Shawinigan. Alors, ça, en franco, on a entendu David Giguère. Non, on ne sait pas si c'est le petit-fils de Réal. C'est qui, Réal? Bien sûr. Je suis sûre que je connais ça. Il faut juste que j'y vois la figure. Google-moi ça. Ah. Réal Giguère. On est en train de googler des affaires. On aime ça, c'est notre passe-temps préféré. Google it up. Oh, Gros Jambon. Gros Jambon. OK, c'est lui. Oui, c'est lui, ça. Mon Dieu. Elle est bonne, cette chanson. Oui. OK, je connais. D'accord. Je pense pas que c'est son fils, David Giguère. Sûrement pas. Peut-être son petit-fils. Peut-être. Voilà. Bon. Donc, il nous reste seulement les positions numéro 1 et le temps file. On se dépêche avec les jeux de mots. Là, à un moment donné, ça va faire ces affaires-là. Tu vas me dire, bon, tu peux arrêter. C'est correct. C'est bien correct. Parfait, parfait. Arrête-moi ça. Parfait, parfait. On s'en va. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Tu sais, moi, je te dirais comme. Hein? Pra. Pra, pra. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Uh-huh. D'accord. Go. Je sais pas, je connais pas ça. Go, go, go, tu m'en apprends. Je ne suis que ton apprenti jeu de mots maker. Ah, apprenti guerrière? Apprenti guerrière, c'est ça. Parce j'ai que fait que des liens. J'ai essayé de faire un jeu de mots avec Fanny Bloom, tu sais. J'y pensais. Mon cerveau a fait boum! Bloom! C'est vraiment mauvais. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'attends un meilleur jeu de mots. Une idée a fleuri. Ah, j'aime ça. J'attendais une idée et la voilà qui arrive de ta part parce que tu es forte et il ne fallait qu'attendre pour le recevoir. Oui. Waiting. Waiting. Comme un chat attend toute la journée que tu reviennes. Oui, dans son empire, qui est le divan. Voilà, The Cat Empire. C'est exactement ça. Hey, on se créerait dans un film... On est vraiment mauvais. C'est ça. Jasmine, reviens de ton étude, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est ça, on reprend la relève. Pas tellement meilleur que nous. Pour les jeux de mots, on est tous du même calibre ici. Oui. C'est pour ça que je regarde que les gens qui sont de notre calibre. Oui, c'est ça. C'est correct. T'es bien calibré. Mm-hmm. En effet, c'est un qualificatif que je te donnerais. T'es bien calibré. C'est bon. Bon. Donc voilà, Fanny Bloom, parfait, parfait, suivra The Cat Empire et Waiting. On écoute ça, c'est nos positions numéro 1. Yay! Wouhou! T'es bonne! Mario Bros, hein? Pareil! We'll be right back. est en première position. This is the last time I will follow you. This is the last time I will follow you at all. 'Cause woman, you're my trouble. And woman, I've been troubled and despair. My only care is standing and waiting when you're out there. The wind comes down and all our youth is in loose pages. The wind appeared like you and left the place unknown. Our words have lost their meaning. The words have lost their meaning and she's born. Les premières positions des palmarès de cette semaine, mais avant de dire les numéros 1, on fait un petit récapitulatif de chaque côté, Justine. Hein? Récapitulons. Donc, du côté anglophone, en troisième, c'est l'ancien numéro 1, Islands avec Hallways. En deuxième, East Road avec A Long Way to Go. Et en première, The Cat Empire avec Waiting. Du côté franco, c'est stable. Robin Koch en troisième avec les Delaware Chuck. En deuxième, c'est encore de David Gigard qui monte de 3. Et en première, Parfait Parfait de Fanny Bloom qui monte d'une place. On a tout plein de choses à faire en cette fin d'émission hein, qu'on n'a pas fait parce qu'on était trop pressé. Vite. OK, top 30 des CD, il y a plusieurs nouvelles entrées. En 23e, Fred avec Leaving My Empire. En 22e, Hell Songs avec Long Live Lounge. 20e, Winter Mits avec Oceans. 19e, Topanga. En 18e, Set the Whale avec Little Mountain. Top 3, c'est Los Campesinos, Islands et Cat Empire. Du côté des disques canadiens, c'est The Darcy's, Elliot Broad et Islands qui sont dans le top 3. Dans le top 10, électronique, c'est pareil comme la semaine passée. 3e, House The Racket. Ousse de raquette avec Alija. En deuxième, Gazelle Twin avec The Entire City. Première, Akido avec Undark. Dans le top 10, là, deux nouvelles entrées. En dixième, Shining avec Live Black, Live Black Jazz ou Live Black Jazz, peu importe. En septième, c'est Cannibal Corpse. Drôle de nom. Torture, c'est le nom de l'album. En troisième place, l'ancien numéro 1, Ram avec Death. En deuxième, Goat Whore. Oui, chèvre prostituée. Chèvre prostituée, ouais. Avec Blood for the Master. Et en première place, c'est Nephilim avec Coils of Entropy. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. J'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait. C'est ça qui est ça. On se retrouve la semaine prochaine en direct les jeudis entre 14h et 17h. Ce qui après nous, c'est plein de choses, sûrement. Allez voir le cif.ca. Je sais que la spirale n'est pas là cette semaine. On joue le vendredi à 17h jusqu'à 20h et les lundis entre 13h et 16h, le boudoir et la prochaine émission, si ça a lieu. Je devrais même pas m'aventurer, je fais exprès, on dirait. Je le mentionne parce que j'y fais tout le temps par exprès. C'est même un horaire aléatoire pendant la relâche. La semaine prochaine, l'émission, Justine, ce sera pas mauvais là, c'est la semaine de relâche. Non, c'est ça. Je vais être toute relâchée. Ça marchera pas. Tes muscles vont être trop relâchés. C'est ça. Je vais être une flaque d'eau chez nous à terre. Flop, flop, flop, flop. Flop, flop, flop. Jasmine Raymond-Raville sera pas là non plus. Donc, on verra qui va co-animer avec moi. C'est palmarès, c'est fou là. La semaine prochaine. Merci beaucoup, Justine. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça avec m'a toi. Fait plaisir. Une des très, très, très fortes émissions qu'on a eues cette semaine. Ah, on est fort. On est fort. Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est ça. Bye, tout le monde. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. T'as arrêté les bye. Bye bye. Bye. Bye. Bye. J'attends que ça finisse. Bye. Bye. Il reste comme quelques secondes. Bye. Bye bye bye bye bye bye bye. Je me suis rattrapé. Chante sa chanson. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. C'est bon. Bye. C'était trop, je pense. Bye. Tu sais, t'es mis de qui, là? Kirby. Kirby. Ah, il parle pas, Kirby. Ben oui, il parle Kirby. Il bouffe des gens. Il a une bouche. Combien de temps on peut durer comme ça sur un silence? OK, bye.